très fort, qui aimait beaucoup aller soigner les gens, lui. Il aimait très beaucoup. Donc il allait soigner tout le monde. C'était le plus fort des pompiers. Et un jour, le pompier, il a eu un blessé et il l'a sauvé très vite. Parce qu'il y a eu quelqu'un blessé. Du coup, il y a ça. Il faut aller le soigner, la personne qui est blessée. Il faut aller très bien la soigner, la personne. Quand même, si donc il va avoir très mal, la personne qui est blessée, il va avoir toujours très mal. Et on l'a mis un plâtre sur la jambe alors, vu qu'il a eu mal à la jambe. Et chez les pompiers, il y a eu des poissons et on a mis la jambe dedans. Et les poissons, ils soignaient et la jambe, le poisson, les poissons, les petits poissons. Et 5, 4, 3, 2, 7, 8, 9, non, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 8, 5. Et mon histoire est finie. Et voilà, maman. Et appuie sur le bouton stop, tu suis.